يا من يرى Louange à Allah, nous le louons et nous le demandons pardon et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà mes chers frères et sœurs, je m'appelle Al-Mehdi Abou Mohamed. Vous pouvez m'appeler Mehdi ou Abou Mohamed. Et voilà, aujourd'hui je vais un peu discuter, c'est quelques rappels. Je ne suis ni savant, ni imam, ni rien du tout. Je suis juste un frère qui veut juste faire un rappel. Je ne me prenais pas pour un savant ou quoi. Tout ce que je vais dire, ce sera que de la lecture, ou que basé sur le Coran, ou basé sur les hadiths et des avis de, bien sûr, des grands savants, de la Sunna al-Jama'at. Et voilà. Aujourd'hui je vais un peu discuter qu'est-ce que ça veut dire le mot islam, pour certaines personnes qui ne connaissent pas. Et aussi pour qu'est-ce que ça veut dire le mot muslimine, exactement. Et puis je parlerai de Tawahid, c'est sur l'unicité de Dieu, les principes des Tawahid, c'est très important. Et aussi je parlerai sur quelques preuves que l'islam est une religion véridique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Voilà, maintenant je vais un peu vous parler un peu sur le mot islam. Qu'est-ce que ça veut dire le mot islam? Car le but de ce rappel n'est pas que pour les musulmans, mais aussi pour les musulmans et aussi pour les gens qui... Et aussi pour les gens qui s'intéressent à l'islam. Et qu'est-ce que c'est l'islam? Parce que souvent c'est une bonne question, qu'est-ce que c'est l'islam? Et comme maintenant malheureusement on est beaucoup critiqué par les médias et sur plein de choses, les gens se basent sur la télévision. Et malheureusement la télévision ne dit pas la vérité, et des fois c'est mal interprété ou les gens ne s'intéressent pas, alors ils se fixent sur un point de vue. Mais la maladie, malheureusement la maladie, la plus grande maladie du cœur, c'est l'ignorance. Alors aujourd'hui mon but de mon rappel c'est parler du mot islam, qu'est-ce que c'est le mot islam? Qu'est-ce que ça veut dire muslimin? Qui est Allah? Et qui est son serviteur et messager, Mohammed, sallallahu alayhi sallallahu wa sallam. Qui est Allah? Allah Azzawajal a créé toutes choses. C'est lui notre créateur et je vais vous montrer sur plusieurs versets du Coran qui parlent de sa création. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sourate 96, la dérose, verset 1 sec. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis. Ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Sourate 87, le très haut, verset 1, 5. Glorifie le nom de ton Seigneur, le très haut, celui qui a créé et agencé harmonieusement, qui a décrété et guidé, à qui a fait pousser le pâturage, et en a fait ensuite un fouet sombre. Sourate 112, le monothéisme pur, dit, il est Dieu unique, Dieu le seul à être imploré par ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Sourate 80, il s'est renfrogné, verset 24-31. Que l'homme considère donc de sa nourriture, c'est nous qui versons l'eau abondante, puis nous fendons la terre par fissures, et y faisons pousser des grains. Vignobles et légumes, oliviers et palmiers, jardins touffus, fruits et herbages. Sourate 9, le soleil, verset 1-7. Par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit. Et par le jour quand il l'éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe, et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendue, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Alors Zawajal a envoyé des prophètes pour chaque communauté pour amener un message clair. Nous connaissons plusieurs religions qui ont été nommées par rapport au prénom d'une personne. Inspiré par ceci, par exemple, le christianisme est un mot dérivé de Jésus-Christ. Le bouddhisme est tiré du nom de son fondateur Bouddha. Le judaïsme, entre autres, que lui est né au milieu d'un peuple connu de Juda, pas Juda au temps de Jésus, mais Juda, les 12 tribus d'Israël. Allah a créé un autre nom, c'est Islam. Il a créé toute chose sur le mot islam. Que signifie le mot islam en arabe? Simplement soumission et dérivé du mot signifiant paix. Dans un contexte religieux, cela signifiant la complète soumission à la volonté de Dieu. Mohammedisme est donc une mauvaise désignation car elle sous-entend que les musulmans adorent Mohammed. Sallallahu alayhi salatu wa salam. En plus que Dieu. Allah est le mot en arabe pour Dieu qui est utilisé aussi par les chrétiens arabes et toute autre religion qui parle la langue arabe. Le mot Dieu est toujours employé par le mot Allah. Voilà mes chers frères et sœurs, Je termine ce chapitre, qui était Allah et qu'est-ce que ça voulait dire Islam. Ben, pour la prochaine fois, je parlerai sur le mot exactement muslimin, qu'est-ce que ça veut dire en lui-même, en général, le plus proche possible. Et Inch'Allah, qu'Allah nous pardonne ou qu'il me pardonne si je me suis mal exprimé ou j'ai dit des choses mauvaises ou pas justes. Qu'Allah nous pardonne tout ce qui nous guide, qui protège nos frères et sœurs dans le monde. Inch'Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمن علي بتوبتك.